L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Concert découverte et ambiance familiale, Vache de Rock nous donne rendez-vous pour une 16e édition, c'est à Jean-de-Lincourt et c'est ce samedi 20 septembre. Dominique Conna, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce festival, un festival qui se veut familial et intergénérationnel, ça c'est le socle de base. C'est ça, c'est vraiment l'ADN du festival. Il y a des concerts, il y a des espaces pour les enfants, il y a une garderie, chose exceptionnelle dans les festivals. Tout est fait pour que les familles puissent rester le plus longtemps possible sur les lieux et puissent profiter pleinement des concerts. Des concerts que là aussi vous choisissez dans des styles très différents pour là aussi toucher un plus grand public. C'est ça, l'idée c'est aussi de faire découvrir au public différents styles musicaux. Samedi, le 20, il va y avoir 8 concerts différents, du rock, de la pop, un groupe festif, un groupe électro et même un groupe électro-techno pour terminer la soirée. C'est 150 bénévoles hein, qui s'investissent dans ce festival, certains sont là depuis le début. Eh bien oui, c'est ça la magie de ce beau projet. Il y a 20 administrateurs, entre 15 et 20 administrateurs qui construisent tout le projet toute l'année. Et puis, sur le montage et l'exploitation du festival, eh ben, on est à peu près 140 à 150. Certains qui étaient là au tout début aussi étaient jeunes peut-être, étaient ados. Ils ont grandi avec ce rendez-vous annuel. C'est ça. Et on a des jeunes qui ont joué au festival en tant que musicien, aujourd'hui, ils font partie de l'organisation. On a des jeunes qui, aujourd'hui, travaillent dans le milieu de la musique. Donc, on a aussi beaucoup de fierté parce que, au-delà d'être une manifestation, c'est aussi un tremplin professionnel, Vache de Rock. C'est ça la magie de ce rendez-vous. Donc, Vache de Rock, c'est la 16e édition. Vous avez évoqué, donc, il y a deux scènes. Il y a aussi tout un village. Vous l'avez dit, comme c'est un rendez-vous familial, tout est prévu pour accueillir petits et grands. C'est ça. Et puis, Vache de Rock, c'est aussi un temps de rencontre. C'est un rendez-vous maintenant sur le territoire de la Seille, parce qu'on a à peu près 2000 personnes qui viennent profiter de cet événement. Et effectivement, depuis quelques années, sous l'impulsion de l'ancien président Claude Puccini, il y a un village qui s'est développé. Dans ce village, on retrouve des artisans, des artistes qui proposent différentes choses pour le public. L'ouverture des portes, c'est à 18h, toujours sur une seule journée. Est-ce que vous avez été tenté de lui donner encore une plus grande ampleur à ce festival Vache de Rock? Alors, on a tenté éventuellement de le développer sur deux jours, mais pour l'instant, la formule fonctionne bien comme ça. Et puis, il y a eu aussi, clairement, cette année, un changement de direction du festival en changeant de président. Donc, on va pas tout changer tout de suite. On y va doucement et sûrement. Et l'objectif, c'est déjà de consolider l'existant. Et après, on verra pour un développement possible. S'il y avait un mot pour le résumé de ce que vous vivez chaque année à Vache de Rock? Une magnifique aventure humaine. C'est ce samedi 20 septembre. L'entrée, c'est en pré-vente 10 euros. Ça, c'est toujours possible? C'est ça. C'est 10 euros en pré-vente, 12 euros sur place. La petite nouveauté cette année, c'est que via notre site internet www.vachederock.fr, vous pouvez acheter vos billets, mais vous pouvez aussi acheter vos consommations, restauration, poissons. L'idée, c'était de pouvoir réduire le temps d'attente aux caisses. Donc, vous pouvez faire votre petite course et puis à l'entrée du festival, on vous donnera ce que vous avez précommandé. C'est une première initiative en test, on verra bien. Si ça fonctionne, on poursuit. Si ça fonctionne moyennement, on trouvera d'autres solutions pour l'année prochaine. En tout cas, tous les bénévoles de ce projet se mettent complètement au service du public. Et on précise aussi que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est ça aussi la philosophie de ce projet familial. Une accessibilité dans les coûts, une diversité des propositions d'animation et puis un engagement fort des bénévoles. Vachederock.fr, ça c'est le site internet. On vous trouve aussi facilement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Dominique Conna et bon festival ce samedi 20 septembre. Merci beaucoup Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.